Lisons les poulards. L'alphabet poulard. Limt alkule poulard. L'alphabet poulard comprend 32 lettres dont alkule limt poulard soumi ko chapan tati didi alkulal den goni. Pichal. A. B. B. C. D. D. E. F. G, H, I, J, K, L, M, B, N, D, G, J, N, N, O, P, R, C, T, U, V, Y, E. En poulard, comme en français, ces 32 lettres peuvent être réparties en deux groupes, voyelles et consonnes. Les voyelles. En poulard, on distingue des voyelles courtes et des voyelles longues. Et poulard, il y a tawe alkule labde, dabbe et durtade. Les voyelles courtes sont A, O, I, U E. Alkule labde dabbe den goni A O I U E. Hello nay. Les voyelles longues sont A O I U E. Alkule labde jude den goni A O I U E. Attention, en poulard, on n'écrit pas d'accent sur les voyelles comme en français. Rend et poulard, masal windetake et do alkule labde, hono no faraise ni. Exemple, e en poulard, woni e accentegi en français. Écritorde, woni exercice. Etade. Woni essayer. École. Woni jangirde. Épaule. Woni walabu. Les consonnes. Notons donc qu'il existe des consonnes en poulard qui correspondent à celles du français, comme B, D, F, K, L, M, N, P, R, T, W, Y. Ces consonnes ainsi citées se prononcent et s'écrivent de la même manière qu'en français. Hello, Guy. Lisons ces exemples. B, Yeru Ballal veut dire aide. D, Yeru Darnde veut dire taille. F, Yeru fegre veut dire bague. Ke yeru kew veut dire cérémonie. Le loande veut dire canari. Me yeru maro veut dire rue. Ne weni neure veut dire pomme. Pe yeru polgu veut dire victoire. Re, yeru rondade, veut dire se charger sur la tête. Te, yeru tobe, veut dire point. We, yeru warga, veut dire te moresque. Ye, yeru yarde, veut dire boire. Par contre, il existe aussi des consonnes qui ne correspondent pas à celles du français. On le retrouve en poulard et en français. Mais ces consonnes ne gardent pas la même prononciation en français. Ces consonnes sont C, G, Z, S, H. Les consonnes qui n'existent pas en français. Pichal, B, D, Nye, Nye, E. Hello, Diegom. Attention, ne confondons pas cette lettre pichal à l'apostrophe. On retrouve cette lettre pichal en général entre deux voyelles prononcées séparément, ou comme suffixe pluriel, ou encore en début de mots en plural. Exemple, pichal. Yeru gial veut dire épine, moumen veut dire l'heure, arde veut dire venir. B. Yeru bogul veut dire corde, bataki veut dire lettre, ibe veut dire enfant, les petits. D. Yeru dekude veut dire étranglé. Idabo veut dire deuxième. Nge, yeru ngaro, veut dire couverture d'un livre. Ngoral, veut dire bord. Remarque, nye a la même prononciation que le nye français. Nye, nyalauma, veut dire jour. Nyiwa, veut dire éléphant. Nye, exemple pagne, weni woudere. Épargne, weni bogne. Ye, yeru ial, veut dire os, yakude, veut dire mâcher. Hello, jididi. Les consonnes combinées comme B, yeru mburu, veut dire pain, balu, weni mouton. Nde, yeru ndondi veut dire cendre, fondu veut dire pigeon. Nge, yeru ngari veut dire bœuf, ngare veut dire vene. Nje, yeru lachiri njorndi veut dire couscous sec. Njulu veut dire prière. Prononciation des voyelles. A se prononce comme en français A. Exemple. Adam, Adama. Bag, woni fegere. Le son A se distingue. Adanam, woni amine-moi. Rawandu, veut dire chien. O se prononce comme en français O. Exemple. Maro, veut dire rue. Tobo veut dire pluie. Le son O se distingue. Ou ne se prononce pas comme en français mais d'une autre manière en employant le OU français. Exemple. Ouro veut dire village. Ouro. Bit veut dire fandare. Bit. Le son OU ou OU se distingue dans les deux cas, poulard et français. I se prononce comme en français, I. Hello, Jetati. Exemple. Inde, l'ouani non. Midi, l'ouani fecheri nyalaoma. Fidjo veut dire je. Jeudi, l'ouani al-kamisa. Dans les deux cas, le son I se distingue. Et la prononciation diffère selon la langue parlée et l'écriture aussi change. Exemple, FED veut dire groupe ou association. Écriture, weni bindul. Egudu veut dire déménagement. Tête, weni hore. Attention, ne confondons pas le E en poulard qui est égal à E accent aigu en français. Prononciation des voyelles longues aux voyelles doublées. En poulard, on tire sur la voyelle pour marquer l'accent. A, Yirunange, veut dire soleil. Bade, veut dire goutte de pluie. oo yiru morul veut dire tresse fodore veut dire promesse u yiru chuudi veut dire demeure puddi veut dire hene i yiru pindi veut dire flair mijo veut dire pensée avis opinion ou idée e yiru mère veut dire zéro rien nul faire veut dire solution hello jenay prononciation de consonne qui ne correspond pas à celle du français c g h j s qui en français le c se prononce différemment. Exemple, calcul, calcul, wenijati. Corde, corde, wenibogul. Celui-ci, celui-ci, wenioro. Maçon, maçon, wenimaho. Employeur, le tché a une seule prononciation différente du son français. Exemple. Tchali. Tchali veut dire hangar. Cham. Cham veut dire nom de famille. Gé. En français, le G se prononce différemment. Hello, sap. Exemple, village, village, wenuro, voyage, voyage, wenidangal, pirogue, pirogue, wenilana, gare, gare, wenijulir de lana njurndi, bougie, bougie, wenisondil. Employeur, légué, n'a qu'une seule prononciation. Exemple, goro. Goro veut dire cola. Geddu. Geddu veut dire enclos. Gardido. Gardito veut dire le chef, dirigeant. Gourdo. Gourto veut dire le vivant. Et en français, le H se prononce souvent, mais il peut être mié. Exemple, herbe, wun hudo, angar, wun chali, hello sapoego. En poulard, les H se prononcent toujours. Poulard, nande, français. Hege, hege, veut dire fin. Hore, hore, veut dire tête. J en français, le J n'a pas le même son que le poulard. Exemple. J. C veut dire mi. Jalousie. Salusi. Wenikiram. En poulard, le J se prononce ainsi comme dans les mots. Yardougal. Yardougal veut dire pipe. Diadido. Diadido veut dire compagnon. Hello, sapoy didi. C. En français, le S peut avoir deux sons. Le S à la fin des mots ne se prononce pas. Il marque souvent le pluriel. Exemple. Sac, sac, weni botoji. Ardoise, ardoise, weni alloual. Case, case, weni tiba. Tisserand, tisserand, weni chanyawa gese. Employeur, laissez garde les mêmes sons et ils se prononcent même à la fin du mot. Sondu. Sondu veut dire oiseau. Sipiro. Sipiro veut dire lutte. Tescade. Tescade veut dire retenir ses souvenirs. Chasse. Chasse veut dire fil. Elle s'appuie. Les consonnes doublées. En plural, toutes les consonnes peuvent être doublées sauf les 8 lettres suivantes. Pichal, fe, he, be, de, ge, se. Exemple. Ballal. Ballal, aide. Baba. Baba veut dire an. Babitade. Babitade veut dire se détacher en quantité. Tokide. Tokide veut dire casser. Dougoude. Dougoude veut dire déterrer. Lisons un conte en pile. Hakunde tatu be kawrani. Hello sapo joyi. Wadin e nyalade debbo goto pahu ina wonno e sare. On debbo faadi haysu asaman o diri onanata. Kono kanko debbo o mo barkini no feewi. Nyande Allah hokki mo fof o immoto gila subaka o yaha gese. O nyalla gollude o mo wambi bingel makko. O artata sona o yiyam buudu nange o ina yolo. Hello sapo jeego. Nyande wotere o wayruno o mo turi o mo rema ha o yi gorko goto ina ara. On gorko ne kadi ko paho. Ko gardo yilade bali makko majjudi. De jomum yotti tan o wi assalamu alaikum debbo. Bali am jantani ga yenna. Hande wadi balde kewde mido ndara di. Mi yitani. Goto ina majji ko lajowu. Hello sapo jeedidi. Sa wawi kala tindindo kam do di ngandari mido yena dum ngun balu. Debbo o nyirbini yeso mum. O famani ko gorko o hali ko. O sikkitigi gorko o ko namnido mo hoto ngesa makko ba haali. Nden o wesi jungo makko o wi ngesa makko ba ko to haali. To caggal mabbato ko ngesa sehil makko debbo. Ko o wesi jungo ko gorko o sikki o wi dum ko hedde ton bali mum di ngoni. Hello sapo jeetati. Allah wadi muyde mum nde o yahi to debbo o jofino to nde o tawi ton sefre bali makko nde ina nyama hudo. O welti no feewi. O rondi balu lajo ngu o wino ma okku debbo o. O wi o yahi to debbo o tindinomo to o tawi ton bali makko di. Nden non balu ngu podannomi debbo o nani. Debbo o ƴeewi mbaalu ngu haa gite muuɗum ɓenndi e maggu. O teskiti mbaalu ngu ina laƴa. Hello sappo e jeenayi. O sikki gorko o ko biiɗo o heli koyngal mbaalu mum ngu. O laawiima haa o watti farde kine. Ɗon o naati e duku heddi o mo wiya mi nanaani abada mi heli koyngal mbaalu maa ngu. A fenani kam. A ɓami hakke am. Allah laɓɓinimi hayɗo baali ma ɗi njaari mi annda saka mi hela koyngal gotal e majji. Ɗum woni toñange mawnge. A happi kam fenande. Abadam ɗaccirtani haala ka so wana sariya ñaawi en. Gorko one kadi andi o laawima. O sikki debbo o ko biiɗo yiɗa mbaalu laƴowo ngu. So wana mbaalu celluɗo. Hello nogas. Nden kanko ne o wi o mbaalu tigi podan mami. So a wi a yiɗa kadi oɗo so wana celluɗo a woppat ɗi fuf. Hay mbaalu goɗɗo mi hokkatama caggal maggu. So a jaɓi nanngaamo, so a jaɓaani laamu serndata en. Nden ɓe njaadi to nyaawoowo sariya to. Ko ɓe njaata ko fof heddii e ɓe kuutondiri. E ɓe nduka oljo oljo kono alaa fof paamoowo ko banndum haalata ko. Ɓe njehii haa ɓe njettii nyaawoowo oo. Hello noogaas e go'o. Nde ɓe njettinoo ndeen, nyaawoowo oo noddi batu jamaa oo hawri. Nden o wii yo ɓe njangto ko addi ɓe. Gorko ɓami haala on wii, baali am ko majjirnooɗi kam nde njaami yiilaade miɗo yaha haa njiimi debbo oo ina rema. Nde njettimoomi nde naamnimoomi mbele sefre am baali nde rewaani ɗoo. Hello noogaas e ɗiɗi. Mbiimoomi kadi baalu ngooti ina heen ko laƴoowo. O joofaniimi to baali ɗi peemi to. Nde ngarmi e makko nde mi fodaniino mo baalu laƴoowo nguu so hollii kam to baali ɗi ngoni to. Njaami to o joofanii kam to. Noon tawmi toon baali am ɗi. Ndondiimi baalu laƴoowo nguu ngaddanmoomi ngu. Mi rondi mbaalu nguu ngaddanmi ɗum. O wii kanko yiɗaa nguu mbaalu. So wonaa mbaalu ngu laƴataa. Hello noogaas e tati. Alaa fof ko o heddanimi hay tekkere ɗo neɗɗo saawi. Miɗo yiɗi fawde kuugal e dow oo debbo. Nde o joofni nde debbo wii, ko mi demannooɗo ngesa am. Gorko mo njiiɗon oo ari naamndi kam hoto ngesa am baa haaɗi. Njoofani moomi toon. O yehi toon nde o artata nde o arti dembaalu laƴoowo. O wii ko min heli koyngal maggu. Min noon hay to baali makko ɗi ngordi mi annda saka haa min mi hela koyngal gootal e majji. Holi no keldanmi koyngal mbaalu makko tawa hay mi yi'aani baali makko ɗi. Hello noogaas e nayi. Nyaawoo oo ne kay ko paho. Hay seeɗa o nanataa. Huunde fof ko debbo oo e gorko oo kaali alaa ko o faami heen. Kanko kay ko pelliɗo ko debbo e gorko mum kawi sabi o yi'i debbo oo ina wambi cukalel. O sikki ko sabu cukalel ngel ɓe ngari. Nyaawoo oo feemti e gorko hee o wii ɗum. Hello noogaas e joyi. An gorko oo, golle ma moƴƴaani hannde, moƴƴaani janngo. Ɗum fof e bonde, ƴeɓi ngel maa ngel, an tan ngel nanndi. Miɗo yiɗi ngoppaa haala kaa sabu suka maa oo. Hello noogaas e jeegom. Huunde fof ko debbo maa oo yiɗi, hokku ɗum. So comci, so kaalis, so nyaamri, ngaccaa ɗum. Nyaawoo ina gasna haala yimɓe woɓɓe ɓee fof ina leli e leydi jaleeɗe batte haala nyaawoowo oo. Nyaaweteeɓe ɓee waktu ɓe njii dental ngal fof jali, nden kañum en ne kay darii ina njala. Nyaawoowo oo jaggi moni fof e junngo mum holli ɓe laawol ngol. Ɓe kootiri gooto e maɓɓe fof ina jala, ina sikki liɓii goɗɗo oo.